Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, le vampire de Highgate. D'abord sachez que, contrairement aux apparences, l'histoire que nous allons vous raconter se base sur des faits, des dates, des lieux et des personnages authentiques. Cet épisode a par ailleurs été repris dans la presse de l'époque et a fait également l'objet de publications scientifiques. En revanche, l'interprétation de certains événements et la manière dont ils ont été rapportés posent question. Raison pour laquelle aujourd'hui encore, l'affaire du vampire de Highgate fascine autant qu'elle intrigue. Cette histoire nous plonge dans l'Angleterre de la fin des années 60. Pendant plusieurs semaines, un cimetière du nord de Londres est le théâtre de phénomènes inquiétants. Sur place, des personnes affirment avoir été attaquées en pleine nuit par une mystérieuse créature. L'une des victimes, une jeune fille, est même retrouvée avec une large morsure au niveau du cou. Sur la base de ces témoignages, un jeune homme adepte des sciences occultes, David Farrant, et un révérend du nom de Sean Manchester, comme la ville, vont se lancer dans une chasse aux démons, une quête hors norme qui va mobiliser les habitants de Londres, les caméras de la BBC et même les détectives de Scotland Yard, genre « bon sang, mais c'est bien sûr ». Notre invité aujourd'hui, Jean Marigny, professeur honoraire de littérature anglaise et américaine à l'université Stade à la Grenoble. Il est l'un des spécialistes du mythe des vampires et de leur représentation dans la littérature. Son dernier livre, anthologie coécrite avec Jacques Finet, s'intitule « Nouvelles histoires de femmes vampires » paru aux éditions Terre de Brume au mois de juin dernier. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Adrien Cara, coordination Christophe Barrère, réalisation Coyen Guyenne. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Cette nuit-là, tandis qu'il s'enfonçait au cœur de la Transylvanie subcarpatique, le professeur Abronsius ne se doutait pas qu'il était sur le point de voir aboutir les recherches mystérieuses qu'il avait entreprises. Homme de science d'une vaste érudition, le professeur Abronsius avait tout abandonné pour se consacrer corps et âme à ce qu'il considérait comme une mission sacrée. Il avait même perdu sa chaire à l'université de Königsberg, où pendant longtemps ses collègues l'avaient surnommé « le cinglé ». Au printemps de l'année 68, sort en salle le Bal des Vampires. Ce film, réalisé par le cinéaste Roman Polanski, relate les aventures d'un personnage farfelu, le professeur Abronsius, et sa quête pour prouver l'existence sur Terre d'individus suceurs de sang. Au carrefour de la comédie tragique et du film d'épouvante, le Bal des Vampires est symptomatique des années 60. Une décennie durant laquelle le thème des revenants, et en l'occurrence celui des vampires, s'impose comme partie intégrante de la culture populaire. Au point d'ailleurs qu'entre 1961 et 1969, on dénombre plus d'une trentaine de films consacrés à ce genre. Et si par le passé, des longs métrages comme Nosferatu avaient donné aux vampires un visage bien inquiétant, d'autres films nous les dépeignent comme des individus voués d'une part d'humanité, mais oui, des êtres mystérieux et par certains côtés même fascinants. Toujours est-il qu'à la question d'un journaliste de l'ORTF, trouvez-vous les vampires sympathiques et auriez-vous envie de passer plus de temps avec eux ? Roman Polanski, amusé, répond ceci. Avec un vampire, il faut avoir l'ail et puis la croix. Et le pieu. Enfin, le pieu, c'est pas pour se battre avec lui, c'est pour en finir quand il est endormi. Vous devez savoir sur les vampires, assez pour ne pas dire des bêtises pareilles. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec un pieu quand un vampire vous court après? Bien sûr. Oui, vous pouvez le repousser avec l'ail, avec la signe des croix. C'est à travers la littérature et le grand classique Dracula, publié en 1897, qu'on trouve les origines du mythe culturel moderne des vampires. Un mythe qui sera repris par la suite par un grand nombre de cinéastes pour les besoins de leurs films. Dracula, roman de l'écrivain britannique Bram Stoker, fait le récit de la vie d'un homme immortel, habitant un château isolé dans les montagnes des Carpates, vivant la nuit, restant caché le jour, mordant le cou de personnes vivantes, absorbant ensuite leur sang pour se nourrir et les transformant ainsi eux-mêmes en démons. Bien qu'il soit fictif, le personnage de Dracula et son aspect prédateur vont marquer fortement notre imaginaire collectif, au point d'ailleurs que certains iront jusqu'à croire qu'il a réellement existé, ou même qu'il existerait encore aujourd'hui. Une chose est certaine, depuis le Moyen-Âge, en Occident et en particulier dans les pays slaves, les spécialistes relatent de très nombreuses histoires liées au vampirisme. Si l'origine de ces récits est diverse et s'appuie souvent sur des superstitions locales, on note cependant que la plupart de ces histoires se rejoignent sur la notion de cadavre non enterré, décomposé, bref, de l'existence d'un corps sans vie dans lequel viendrait prendre place un esprit maléfique, un démon suceur de sang, le fameux vampire. Pour l'universitaire suisse Daniel Sansu, les vampires s'intègrent dans un phénomène plus large, celui de revenants. Toutes ces créatures appartiennent au monde des revenants. Les revenants, c'est des êtres qui reviennent de l'au-delà, qui sont censés être morts, mais qui reviennent comme des vivants, c'est-à-dire des êtres qui sortent de la tombe avec leur aspect physique, leur consistance physique. C'est le cas des vampires, qui sont censés sortir de leur tombe pour sucer le sang des vivants, ou des zombies, qui sortent de la tombe avec leur corps en décomposition. Alors, quel crédit apporter à toutes ces histoires qui glacent le sang? Pour certaines, ancestrales, pour d'autres, folkloriques, qui circulent au sujet des vampires. Difficile à dire, tant ces épisodes ont été déformés par leur transmission orale, tant ils ont été enrichis au fil des années par des éléments nouveaux, et enfin, tant le poids de la traduction joue ici un rôle fondamental. Pourtant, et c'est là que se situe l'un des aspects les plus étonnants de cette affaire. Si l'on se réfère uniquement aux classifications zoologiques, le terme de vampire existe bel et bien dans la catégorie des espèces vivantes. Et, plus incroyable encore, des chercheurs parcourent le monde pour l'étudier. Parmi eux, le zoologiste du CNRS, André Brosset. Dans son laboratoire de la banlieue parisienne, il mène diverses expériences sur ces créatures. Et à l'occasion de la visite d'une équipe de l'ORTF, il explique les principales caractéristiques d'une attaque de vampire. Quand le vampire a repéré sa proie, il s'en approche par une marche très silencieuse qui généralement ne réveille pas l'animal endormi et il attaque les parties tendres du corps de sa victime qu'il entaille avec des dents qui ont la forme de lames de rasoir. Cette blessure est complètement indolore. Le vampire injecte dans cette blessure une salive qui est anticoagulante et il applique sa lèvre sur la plaie et il le suce le sang, sa langue agissant comme une pompe aspirante et foulante. Vous l'aurez sans doute compris, les vampires qu'étudie André Brosset ne sont pas des humains. Non, ce sont des animaux, tout simplement. Et plus précisément, des chauves-souris. On est donc ici bien loin du personnage de Dracula. Pour autant, le fait qu'il existe dans certaines régions reculées du globe des chauves-souris géantes, dont l'envergure dépasse les 1m50, et que ces animaux ont déjà tenté d'attaquer l'homme pour aspirer son sang, eh bien, cela rend la frontière entre la science et la légende, disons, poreuse, un terreau fertile à l'imagination. Voilà. C'est dans ce contexte bien particulier, exacerbé par les récits qui en sont faits au cinéma, qu'à la fin de l'année 69, les vampires vont faire la une de l'actualité en Grande-Bretagne. Mercredi 24 décembre 1969, colline de Hampstead, banlieue nord de Londres. Ce soir-là, un vent froid balaie la capitale britannique. Les rues du quartier sont désertes. Blottis chez eux, les habitants font le réveillon de Noël en famille. Au loin, dans la brume, résonne le son des cloches d'une église. Derrière les grilles du vieux cimetière de Highgate, il n'y a pas un bruit, pas une lumière. Ici, dans cet espace boisé, grand comme une quinzaine de terrains de football, à la végétation sauvage et luxuriante, reposent plus de 170 000 âmes dans plus de 50 000 tombeaux. De riches anonymes, le plus souvent, mais aussi quelques célébrités, Karl Marx par exemple. Signe particulier de ce cimetière, lorsque l'on regarde une carte, il se divise en deux parties, séparées en son milieu par la petite rue de Swain Lane. Pour les habitants qui souhaitent rejoindre le quartier résidentiel, ce chemin fait figure de raccourci. Mais la nuit, faute d'éclairage public, il est plutôt lugubre. Or, c'est précisément à cet endroit que ce soir-là, un jeune homme attend, tapis dans l'ombre. Un coup d'œil à gauche, un autre à droite, personne. L'individu grimpe alors le mur d'enceinte et pénètre dans le cimetière. Armé d'une simple lampe de poche, il progresse en silence. À la faveur de la lumière de la lune, on reconnaît le visage du fondateur de la société d'occultisme britannique, un certain Davin Farrant. À 24 ans, Farrant est bien connu en Grande-Bretagne par tous ceux qui s'intéressent aux manifestations paranormales. Autoproclamé grand maître de l'occulte, il se rend régulièrement sur le terrain à la rencontre de fantômes et autres esprits qui, selon lui et quelques autres, habitent des lieux hantés. C'est une passion, il a ça dans le sang. Et si ce soir, il se promène dans les allées du cimetière de Highgate, c'est que depuis quelque temps, ce lieu de sépulture, jusqu'ici tranquille, c'est sa vocation, est devenu le théâtre de phénomènes inexpliqués. Comme le raconte ce même David Farrant. Voilà des décennies que rumeurs et légendes vantaient l'existence d'une entité maléfique qui se cacherait quelque part dans Highgate. Or, ces derniers mois, l'affaire a pris des proportions inquiétantes. Il y a d'abord eu le témoignage de deux jeunes filles qui ont affirmé avoir vu des morts sortir de leur tombe. Ensuite, il y a eu le récit d'un couple de gens respectables du quartier qui ont affirmé avoir été suivis par une grande forme sombre. Enfin, et c'est là certainement l'élément le plus grave, depuis début décembre, on a retrouvé plus d'une centaine d'animaux morts dans les allées du cimetière. Des chats, des chiens, des lapins et même une chèvre. À chaque fois, ils avaient été mordus au niveau du cou, puis intégralement vidés de leur sang. C'est à ce moment-là que j'ai suggéré l'idée que le démon qui vivait à Highgate pouvait être un vampire. En cette nuit du 24 au 25 décembre, la pluie s'abat sur Londres. Après plusieurs minutes de marche dans les allées sombres du cimetière, après avoir sué sang et eau, Farrant arrive devant la nue égyptienne. L'endroit est reconnaissable à son porche en pierre, à ses colonnes antiques, d'où son nom, et à ses murs verdis par le temps. Cette nuit, comme toutes les nuits, d'ailleurs, la grille d'accès n'est pas verrouillée. Alors, sans hésiter, le jeune homme pousse l'épaisse porte en fer. De chaque côté de ce couloir en extérieur, derrière d'épaisses portes en bois, se trouvent les cryptes. Il y en a plusieurs dizaines. Certaines d'entre elles n'ont pas été visitées depuis plus d'un siècle et sont recouvertes d'une fine couche de poussière, d'autres par des toiles d'araignées. Tout autour, la nature semble avoir repris ses droits. Farrant doit ainsi faire attention de ne pas tomber en enjambant les racines des arbres qui sortent de terre et prendre garde aux ronces qui recouvrent les murs. Et enfin, ce n'est pas la première fois que le jeune homme visite un cimetière, seul, la nuit, chacun son trip. Alors, pour se fondre dans le paysage et favoriser une éventuelle rencontre, il éteint sa lampe de poche et continue de progresser dans l'obscurité. Un pas après l'autre, Farrant remonte cette petite allée en pente et se dirige vers un grand mausolée. Alors qu'il regarde ce qu'il y a derrière les vitraux, soudain, il sent que quelque chose s'approche de lui. Il fait volte-face. À 3 mètres de moi, je distinguais dans le noir 2 points lumineux qui semblaient être des yeux. La silhouette de l'individu laissait à penser qu'il s'agissait d'une personne de très grande taille, au moins 2,50 m. Elle portait un long manteau sombre. J'ai tout de suite pensé qu'il devait s'agir de gamins qui avaient monté un stratagème et qui cherchaient à m'effrayer. C'est alors que tout autour de moi, l'air s'est brusquement glacé. Mes mains se sont gelées. Mes jambes étaient pétrifiées, je ne pouvais plus bouger. La créature s'est alors rapprochée de moi et elle a tenté de m'hypnotiser. À vous glacer le sang. À ce moment précis d'ailleurs, David Farrant raconte qu'il a senti ses forces le lâcher avant de sombrer dans un sommeil forcé. Par réflexe, le jeune occulte se met à réciter une incantation kabbalistique, sorte de discours abscon censé repousser les forces obscures. J'avais à peine prononcé quelques mots que la chose s'est mise brusquement à reculer. Elle est restée quelques instants à m'observer. Puis, sans que je comprenne comment, elle a disparu de mon champ de vision. La température est alors redevenue normale. De retour chez lui, on comprend. Farrant a du mal à réaliser ce qu'il vient de vivre. Lui, le jeune occultiste adepte des histoires à dormir debout, se retrouve au beau milieu du scénario. Alors, dans les semaines qui suivent, il décide d'écrire au journal local Hampstead and Highgate Express. Dans une lettre de 2 pages, qui sera par la suite publiée dans les colonnes de l'hebdo, Farrant raconte sa nuit du 24 décembre dans le cimetière et il évoque sa rencontre. En Enfin, il demande aux lecteurs habitant le quartier de se manifester si eux aussi sont témoins d'événements étranges. Et là, surprise, le journal reçoit en quelques jours plus d'une centaine de lettres, dont une vingtaine jugées sérieuses. À chaque fois, des habitants du quartier de Highgate affirment avoir été les témoins d'apparitions la nuit. À chaque fois, les faits se sont déroulés sur Swain's Lane, le chemin qui passe entre les deux parties du cimetière. Enfin, dans les différents récits, la chose est définie comme une créature de grande taille, ayant la peau pâle et arrivant sans faire de bruit. Alors, canular d'une bande de plaisantins qui se cachent la nuit dans le cimetière pour effrayer les gens, ou vrai mystère? Afin d'en avoir le cœur net, et surtout pour rassurer la population qui commence à se faire du mauvais sang, la police multiplie les patrouilles la nuit aux abords des grilles. Parmi ceux qui prennent cette histoire au sérieux, à Highgate, il y a un autre personnage, bien connu des habitants du quartier, un certain Sean Manchester, 26 ans. Lorsqu'il apprend l'histoire, son sang ne fait qu'un tour. Révérend d'une petite paroisse, passionné d'ésotérisme et fasciné par l'existence de forces occultes, il est persuadé qu'il existe une entité démoniaque dans le cimetière. Et selon lui, le seul être mystique capable de se comporter comme un tel prédateur, c'est le vampire. Voilà longtemps, en effet, que le révérend Manchester est persuadé qu'existent parmi nous des individus suceurs de sang. Comme il l'affirmera plus tard dans cette entrevue accordée à des journalistes britanniques. Je suis le vrai révérend Sean Manchester, évêque de Glastonbury, église de tous les catholiques. J'appartiens à l'Ecclésia apostolique de Jésus-Christ. Je parle au nom de toutes les personnes chrétiennes, où qu'elles soient. Je suis absolument convaincu que les vampires existent. Dans mon esprit, cela ne fait pas de doute. C'est même une partie de ma théologie. Si je dois croire à l'existence des anges, j'y crois. Comme je dois croire aux anges déchus qu'on appelle les démons. Si je dois croire aux phénomènes surnaturels, j'y crois. Si je dois croire en ce que nous enseigne la Bible, j'y crois. Aussi, croire à l'existence des vampires est juste une simple partie de tout ça. Certains croient, d'autres pensent. Si Manchester croit aux vampires, et surtout en la présence de l'un d'eux la nuit à Highgate, c'est pour deux raisons. La première, c'est qu'au XVIIIe siècle, la légende voulait qu'un cercueil provenant de Turquie et contenant le corps d'un seigneur médiéval roumain, adepte de la magie noire, aurait été enterré ici avant même la construction du cimetière. Depuis, un groupe d'étudiants aurait retrouvé l'emplacement de la tombe, ils auraient déterré le cercueil et auraient pratiqué sur le défunt un rituel satanique. Un démon se serait alors emparé du corps et l'aurait transformé en vampire. La seconde raison, c'est qu'une des deux jeunes filles qui avait vu les morts sortir de leur tombe quelques mois plus tôt a contacté le révérend Manchester. Depuis les faits, l'une d'elles, Elisabeth, a des comportements étranges. Elle souffre de crises aiguës de somnambulisme. Un jour, sa sœur l'a surprise dans la cuisine en train de dévorer de la viande crue. Mais, plus étonnant encore, sur le cou de la jeune Elisabeth, le révérend Manchester découvre deux marques percées d'un trou. On appelle ça une morsure. Manchester décide alors de procéder à une petite expérience. Lors d'une nuit de pleine lune, il vient assister à l'une des crises de somnambulisme d'Elisabeth. À sa grande surprise, vers 3h du matin, la jeune fille se redresse, descend de son lit, puis sort de chez elle, emprunte le chemin de Swain's Lane et finit par entrer par la grille dans le cimetière de Highgate. Dans un balai silencieux, Elisabeth marche droit comme un i, comme un automate, et se dirige vers les catacombes. Elle semble possédée par une force mystérieuse. Le révérend Manchester reste à distance et l'observe. Lorsque soudain, au détour d'un caveau, Elisabeth disparaît de son champ de vision. Des bruits inquiétants se font entendre dans tout le cimetière. Le révérend Manchester se dirige en courant à l'endroit où il aperçut la jeune fille pour la dernière fois. Et là, derrière un caveau, il l'aperçoit en état de transe. Elisabeth crie, gesticule, puis s'effondre sur le sol. Le révérend brandit alors son crucifix et s'avance. La jeune fille respire encore. Elle semble dormir. Sean Manchester la prend dans ses bras et la ramène jusqu'à chez elle. Dans les jours qui suivent, la folle histoire se répand comme une traînée de poudre dans tout le quartier et une vague inquiétude s'empare du reste de la capitale britannique. Sean convoque la presse et annonce qu'il va organiser une chasse aux vampires dans la nuit du 13 au 14 mars afin, dit-il, d'éradiquer de bonne foi pour tout cet esprit maléfique qui représente une menace pour la population et qu'elle cesse de se faire un sang d'encre à cause de ses histoires à dormir debout, ce qui pour Elisabeth est à prendre au propre comme au figuré. La légende des vampires suceurs de sang hante notre imagination depuis des siècles. Mais aujourd'hui, des habitants de Londres affirment que l'un de ces vampires ne serait pas le fruit de notre imaginaire. Notre correspondant Gavin Hayes nous emmène dans un cimetière étrange où rôderait le vampire de Highgate. Jeudi 12 mars 1970, il est un peu plus de 22h, nuit noire, temps clair. Aux abords du cimetière Highgate, sur le chemin de Swain's Lane, plusieurs milliers de personnes attendent dans le calme. Au milieu de cette foule dense et très hétéroclite, il y a de nombreux curieux, des habitants du quartier, des jeunes du 109, mais aussi et surtout de nombreux chasseurs de vampires. Depuis la fin de l'après-midi, c'est un flot ininterrompu de voitures, de taxis et même d'autobus entiers qui ont débarqué dans le quartier de Highgate. L'engouement pour cette histoire de vampire est tel qu'un professeur d'histoire d'université a fait plus de 60 km sur son vélo pour venir se joindre à la traque avec la meute. Toutes ces personnes sont venues là à l'appel du révérend Manchester. Toutes sont là pour trouver et tuer le vampire qui se cacherait quelque part dans le cimetière. Face au tapage et au remous que provoque toute cette affaire, une équipe de reporters de la BBC fait le déplacement. De son côté, la cinquantaine de policiers dépêchés sur place a du mal à contenir l'excitation de la foule. Un peu à l'écart, un groupe d'hommes de Scotland Yard, l'unité d'élite de la police britannique en charge des affaires criminelles, confirme que ce dossier est pris très au sérieux par les autorités. Parce qu'après tout, s'il y a vraiment quelque chose dans le cimetière, les hommes de Yard doivent tirer ça au clair. Et s'ils ne trouvent rien, ils entendent au moins garder un œil sur l'excentrique David Farrant et sur le sanguin révérend Manchester, dont les prêches bibliques enflammés contre les démons font descendre la population dans la rue. Farrant et Manchester, justement, ils sont là, bien sûr. Chacun accompagné de plusieurs de leurs acolytes, avec dans la main des pieux et des gousses d'ail. La nuit promet d'être belle, tant le commun des mortels croit voir le diable à ses trousses. Mais depuis plusieurs semaines, cette affaire a exacerbé la rivalité entre l'excentrique et le révérend. L'un et l'autre prétendent être le seul capable de venir à bout du démon. Et, surtout, l'un et l'autre veut avoir sa photo en première page du journal ou être interviewé à la télé. Mais ce soir, sur la BBC, les journalistes interviewent un personnage plus discret. C'est l'un des gardiens du cimetière qui pique un coup de sang face à ce qu'il considère comme des sornettes. Je travaille ici toute la nuit, et parfois la journée aussi, et je n'ai jamais rien vu de tout ce qu'on raconte. C'est pour ça que ce soir, cette histoire de vampires, avec des centaines de personnes qui viennent aux portes du cimetière, qui essayent de grimper les murs juste parce qu'une seule personne a vu une forme grise près de la route, pour moi ça n'a pas de sens. À minuit, le révérend Manchester, accompagné d'un petit groupe d'hommes, armés pour certains de fourches, escalade les grilles du cimetière. Ils sont imités un peu plus loin par d'autres groupes de chasseurs de vampires, dont celui de David Farrant. Grâce aux informations données par la jeune Elisabeth, vous savez, l'une des deux jeunes filles victimes de la rencontre de 1967, eh bien le groupe emmené par Manchester se dirige vers un mausolée situé à proximité de l'avenue égyptienne. Une fois sur place, ils tentent d'en forcer l'entrée. En vain. C'est ce qu'on appelle un jour sans. Il décide alors de casser l'un des murs déjà fissurés. Sean Manchester pénètre à l'intérieur et descend dans la crypte. En bas, il y a trois cercueils. Vides. Livide, le révérend lance alors un mélange d'ail et d'eau bénite à l'intérieur, puis dépose un crucifix avant de se résoudre à ressortir. Manchester quitte le cimetière aux environs de 4 heures du matin, sans faire aucune déclaration. De son côté, Farrant et sa bande n'ont plus de chance, n'ont pas plus de chance. Après avoir fait un feu et récité des incantations cabalistiques pour forcer le démon à sortir de sa cachette, ils se sont résolus à leur tour de quitter l'endroit. Et face aux quelques badauds qui leur demandent s'ils ont réglé leur sort au vampire, le jeune homme affirme tout de même que celui-ci ne reviendra plus. Et une chose est sûre, le lendemain matin, le résultat de cette partie de chasse nocturne ne fait plus la une de la presse. Mais la police, elle, en fait son dossier prioritaire. Et pour cause, plus d'une vingtaine de tombes ont été abîmées, des stèles ont été saccagées, et on a même tenté d'extraire un corps de son cercueil. Le cimetière est à feu et à sang. Il faut attendre le mois de juillet, soit 5 mois après l'épisode de la fructueuse partie de chasse nocturne, pour que l'affaire du vampire de Highgate fasse de nouveau parler d'elle dans la presse. La police de Londres découvre en effet dans le cimetière les restes d'un corps calciné. Identité impossible à vérifier. Pas besoin d'autopsie ni de prise de sang pour le révérend Manchester. C'est le vampire qui est responsable de cette profanation. Le 1er août au soir, accompagné de la jeune Elisabeth et de deux autres amis, il retourne dans le cimetière pour en finir une fois pour toutes. Comme à chaque fois qu'elle entre ici, Elisabeth se sent mystérieusement attirée par quelque chose. Alors, elle se dirige vers un tombeau. Manchester force la porte et entre. Une fois à l'intérieur, l'obscurité règne, le révérend remarque un cercueil déposé à même le sol, là, tout au fond du caveau. Il semble bien mieux conservé que les autres, et surtout, il ne porte pas de traces sur l'identité de son occupant. Alors, Manchester soulève le couvercle. Tout à coup, une affreuse puanteur s'est mise à assaillir nos narines. Le cercueil n'était pas vide. Dedans, nous y découvrîmes un corps qui ne paraissait ni mort, ni vivant. Déconcerté, nous passâmes de longs instants à contempler ce spectacle qui défiait toute explication logique. Aucun doute possible. Cet individu n'était pas mort depuis longtemps. Pourtant, le caveau dans lequel il se trouvait était vieux de plus d'un siècle. Or, d'après le registre des cimetières, le caveau n'a accueilli aucun nouveau pensionnaire depuis 30 ans. Le révérend Manchester demande alors à ses compagnons et à Elisabeth de s'écarter. Il disperse du sel tout autour du cercueil et allume des bougies aux quatre points cardinaux. Et là, il se lance dans une cérémonie d'exorcisme sur le corps du défunt. Avance-toi, être perfide, porteur de tous les maux et de toutes les faussetés, ennemi de la vertu, persécuteur des innocents. Cède la place, vicieuse créature. Cède la place, esprit malin. Cède la place au Christ. Aussitôt, un grondement sourd s'élève des tombes, traversé de puissantes et profondes vibrations. Prise de panique, Elisabeth lâche la Bible qu'elle tient entre les mains. Manchester brandit de nouveau son crucifix et s'écrie. Va-t'en, hideux démon! Retourne chez les tiens et ne reviens plus jamais tourmenter les fils de Dieu Tout-Puissant! Un profond silence s'empare du lieu. Elisabeth et le révérend restent immobiles, muets. Par mesure de précaution, Manchester fait murer l'entrée du caveau avec des briques et du ciment. Cette fois, pense-t-il, il est venu à bout du démon. Ensuite, l'affaire semble entendue. Manchester se targue d'avoir mis fin à l'affaire. David Farran, lui, affirme qu'il existerait toujours un être maléfique caché dans Highgate. Or, 4 ans plus tard, au printemps 1974, le quartier et son cimetière sont de nouveau le théâtre d'apparitions étranges et les témoignages d'agressions par une créature la nuit sur Swains Lane se multiplient. Après des semaines de recherches infructueuses, le révérend Manchester, qui a décidément le sang chaud, décide de fouiller une maison de style gothique située juste à côté du cimetière. L'endroit est réputé de longue date comme étant hanté. À l'intérieur, dans la cave, Manchester fait alors une découverte surprenante. Là, au milieu de vieux meubles, de bouteilles de vin et autres souvenirs, il trouve un cercueil, celui-là même qu'il avait emmuré 4 ans plus tôt dans l'un des caveaux du cimetière. Aidé par ses complices, il ôte le couvercle, prend une photo et plante un pieu dans le corps avant d'y mettre le feu. Malgré tout, la légende est tenace. Et même sans vampire, le cimetière de Highgate devient vite un lieu de réunion pour les cérémonies nocturnes de magie noire. Des tombes sont souvent profanées, des cadavres sont parfois arrachés à leur cercueil, et il est fréquent de retrouver des bouteilles de bière vides au coin des allées, ce qui prouve que cet endroit de grand sommeil est en fait très agité. Alors, les autorités décident de fermer les grilles de la partie ouest au grand public, genre aller jouer ailleurs. De leur côté, Manchester et Farrant ont connu des fortunes bien diverses après cette affaire. Si le révérend Manchester a continué sa carrière sous les ordres et qu'il est même devenu évêque, mais oui, David Farrant en revanche est arrêté pour avoir profané à plusieurs reprises des cimetières et autres lieux de culte. Lors de son procès, la police présente au juge des photos retrouvées à son domicile. Sur ces clichés pris la nuit dans le cimetière, on voit Farrant participer à des mises en scène macabres et des pratiques sexuelles sur fond de cérémonies occultes. Condamné pour vandalisme et profanation, Farrant passera 2 ans en prison. Aujourd'hui, 50 ans après les faits, Highgate est redevenu un lieu de sépulture vénérable. On y vient la journée admirer sa végétation dense et hors du temps. On y flâne le jour, on y vient le soir pour des visites guidées. Et si vous interrogez les habitants du quartier, vous constaterez que personne n'a oublié ces nuits d'angoisse du mois de mars 1970, pour certains 100% mystérieuses. I dreaded sunny days, so I meet you at the cemetery gates. Keats and Yeats are on your side. Why? just like mine. They were born and then they lived and then they died. Seems so unfair, I want to cry. You sir, throws the sundown salutation to the dawn, and you claim these words as your own. But I've read well and I've heard them said 100 times, maybe less, maybe more. If you must write pros and cons, the words you use should be your own. Don't plagiarize or take on loan. But there's always someone somewhere with a big nose who knows and trips you up and laughs when you fall. Will trip you up and laugh when you fall. From whence was ripped some dizzy whore 1804. A dreaded sunny day, so let's go where we're happy, and I'll meet you at the cemetery gate. Oh, Keats and Yeats are on your side. A dreaded sunny day, so let's go where we're wanted, and I'll meet you at the cemetery gate. Keats and Yeats are on your side, but you lose his will of a wild in the mind. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le vampire de Highgate. Notre invité Jean Marigny, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur honoraire de littérature anglaise et américaine à l'Université Stendhal de Grenoble. Vous êtes l'un des spécialistes du mythe des vampires et de leur représentation dans la littérature. Et votre dernier livre, anthologie coécrite avec Jacques Finet, s'intitule « Nouvelles histoires de femmes vampires ». On y reviendra, « Femmes vampires ». Il est paru aux éditions Terre de Brume au mois de juin dernier. C'est tout récent. Alors, là, vous m'avez apporté, enfin j'ai entre les mains, « The Highgate Vampire » de Sean Manchester. Oui, c'est un livre que j'ai reçu de ses mains, d'ailleurs. D'accord. Et alors, on voit sa photo. J'en ai parlé pendant 40 minutes. Maintenant, je vois le bonhomme. Oui, bah rien à dire sur la photo. Oui, alors ce qui est particulier, on voit pas qu'il croit aux démons. Hein, mais bon. Non, mais ce qui est très particulier, c'est que c'était un prêtre catholique et il a fini par fonder sa propre église, l'église apostolique du Saint Graal, dont il est le pape en quelque sorte. Quoi. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Évidemment. J'allais dire, sans le dire, revenons aux choses sérieuses, parce que ce qu'on a raconté est sérieux, dès lors que beaucoup de gens s'y sont trouvés impliqués, et puis ça dit beaucoup de choses, ça dit des choses des gens, de la société, de l'époque, et c'est ça qu'on va voir, ensemble, Jean Marigny. Déjà, pour que les choses soient claires pour nos auditeurs, croyez-vous aux vampires ? Absolument pas. Bien, bon, ça c'est réglé. Moi, ça c'est fait. Je suis parfaitement rationaliste. Oui. Alors, vous me direz, je peux avoir peur de certaines choses occultes auxquelles je ne crois pas. Hein. Par exemple, vous ne me ferez jamais passer une nuit dans une maison hantée. Et dans un cimetière, par exemple. Ou dans un cimetière. Parce que notre imagination travaille. Bah, c'est le film Shining, hein, de Kubrick, hein, par exemple. Donc, je suis comme Madame Dudéfant, l'amie de Voltaire. Je ne crois pas aux fantômes, mais j'en ai peur. Ouais, on a peur de ses propres aux angoisses façonnées par nous-mêmes. En revanche, je n'ai absolument pas peur des vampires. Bien. Cette affaire de Highgate donc, se passe dans les années 60. Est-ce que le contexte joue une grande part dans la croyance collective ? Je parle à la fois du contexte temporel, les années 60, et puis celui de cette ville et de ce pays, l'Angleterre. Ouais. Alors moi, j'ai constaté que en étudiant la littérature vampirique depuis ses fondements jusqu'à nos jours, que le vampire a toujours un succès énorme pendant les périodes de crise. Qu'est donc ? Ouais. Et donc, les années 70 étaient des années très agitées hein, sur le plan social, culturel, etc. Et donc, je pense que c'était un terreau tout à fait favorable. Par ailleurs, il est évident que l'Angleterre, c'est le pays des superstitions, le pays où on adore les histoires de fantômes, le pays où on fait visiter de la façon la plus sérieuse des maisons hantées, hein, et tout le monde, et c'est en fait une espèce de tradition nationale, hein, donc c'était encore, là encore, un terreau favorable. Pourquoi y aurait-il un lien entre le vampire et l'image du vampire, sa représentation mentale et une crise, une période de crise? Alors là, c'est une question que je me suis posée bien souvent, sans arriver à trouver véritablement de réponse. Je pense que le vampire est peut-être une façon d'exorciser les peurs qu'on peut avoir à l'égard de d'une société qu'on n'arrive plus à maîtriser, quoi. Ça vaut ce que ça vaut comme explication. C'est un côté exorciste qui nous rapproche aussi un petit peu de la thématique globale. Exactement. Pourquoi l'Europe de l'Est semble-t-elle être au cœur de toute la mystique autour du vampire, et la Roumanie notamment? Alors moi j'ai ma petite théorie là-dessus, qui encore une fois vaut ce qu'elle vaut, c'est que les manifestations du vampire ont existé en Europe occidentale dès le XIe siècle, mais elles disparaissent complètement au XIIIe siècle. Et pourquoi ? Parce que l'Inquisition a fait son travail. Ah. Alors que dans les pays de l'Est, les églises orthodoxes, au contraire, ont donné une espèce de justification à ces croyances. Elles les ont même incluses dans leur pratique religieuse. C'est une explication très très claire. Merci. Et la France maintenant. Ah, la France. Mais écoutez, on va écouter une archive. Il s'agit d'un reportage de Mireille Loubet diffusé sur France Culture. Nous sommes en 1998. La journaliste s'est rendue dans la petite commune du Muy, très bel endroit dans le Var, pas loin de Saint-Tropez dans la montagne, où la légende d'un vampire a longtemps circulé. On parle effectivement du vampire du Muy, mais vous allez le comprendre, cette histoire est en fait un banal fait divers un peu glauque. Selon les personnes que j'ai pu interroger au Muy, donc une petite commune du Var entre les Maures et l'Estérel, cette histoire de vampire s'est produite entre 1920 et 1925. Personne n'a pu être vraiment plus précis sur la date exacte. Et c'est un article de détective de l'époque qui titrait « Le vampire du Muy » qui a sans doute donné à ce fait divers une dimension plus exceptionnelle. En fait, il y avait au Muy à cette époque un jeune homme un peu demeuré, Victor Hardisson, qui vivait de petits boulots avec son père et notamment il aidait dans sa charge de fossoyeur de la petite commune. Un jour, il participe à l'inhumation d'une jeune fille décédée au Muy dont il était en cachette éperdument amoureux. Aussi, la nuit venue, il est allé déterrer le corps pour le conserver chez lui. Ce sont les voisins au centre-ville du Muy qui, dérangés par l'odeur, ont fini par donner l'alerte quelques jours plus tard et le pauvre garçon d'ailleurs a fini sa vie à la maison des fous. Ce qui est intéressant à noter, c'est que cette histoire de vampire au Muy, en fait, est en voie de disparition. Seuls les anciens s'en souviennent encore, et comme elle est transmise uniquement par le bouche à oreille, la légende s'est créée, mais va finir donc par s'oublier. Et seuls les anciens donc se racontent encore parfois cette légende livrée par le bouche à oreille. Qu'en pensez-vous, Jean-Marigny? Vous connaissiez cette histoire? Bien entendu, tous les vampirologues connaissent l'affaire du vampire du Muy. Je ne fais pas partie de cette caste. Voilà. Oui, c'est un petit club un peu fermé, mais. Et donc, Victor Hardisson, c'était un brave homme, quoi, qui n'avait rien, qui ne s'est jamais attaqué à des vivants, hein. Il ne s'attaquait qu'aux belles mortes, hein. Donc, c'était un personnage totalement inoffensif. Est-ce qu'il y a d'autres cas en France de suspicion de vampires? Ah oui! Puis alors, il faut dire aussi que la littérature et le cinéma ont apporté de l'eau au moulin. Ça, ce qui paraît légitime d'ailleurs. Oui, tout à fait. Mais dans la réalité, la transposition dans la réalité, ça donne quoi ? Mais disons que, comme je disais tout à l'heure, peut-être à cause de l'Inquisition, il n'y a pas véritablement de tradition du vampirisme dans la culture française. Hein. C'est une chose qui n'existe pas. Autrement dit, pour nous, le vampire, c'est un objet importé. Hein. C'est ça. D'accord. Quelle est la signification symbolique de l'aspiration du sang? Alors, il y a diverses interprétations. Hein. Par exemple, dans Dracula, dans le roman, on voit le vampire donner son sang à Mina, la jeune femme du roman, et échanger, donc prendre un peu de son sang à elle. Mmh. Et donc, on a vu dans cette image une espèce de parodie de l'Eucharistie. C'est-à-dire que, comme le Christ donne son sang pour sauver l'humanité, Dracula, lui, le vampire, aspire le sang des mortels pour mieux les vouer à la damnation. Quoi. Voilà. C'est donc une espèce d'antéchrist. C'est ça, c'est l'ennemi. On comprend aussi pourquoi l'Inquisition a agi comme ça. Évidemment, pour elle, c'était vraiment attaquer le dogme. C'était un ennemi, quoi, le vampire. On va revenir à notre histoire londonienne. Quel crédit donner au témoignage de messieurs Farrant et Manchester? Alors, c'est pas forcément des allumés ou que des allumés, ces gens-là. ils ont un cerveau, ils sont plutôt cultivés. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je pense que les deux personnages ont des rôles très différents. Alors, allons-y pour l'un et pour l'autre, oui, séparément. C'est-à-dire que David Farrant, c'est un sataniste, c'est-à-dire quelqu'un qui s'intéresse à l'occulte et qui pratique des cérémonies plus ou moins occultes sur les cimetières, etc. Alors que Manchester, lui, joue le rôle de l'exorciste, c'est-à-dire celui qui combat le mal, qui est le bras armé de Dieu, en quelque sorte. Donc ils sont complémentaires. Donc ils sont complémentaires. Bon, en anglais on dit vampire, on dit vampire, et Colombine chante vampire. T'es dur, assez dur, mais je reste fort. Tu me donnes du fil à retordre. Courir après l'amour, c'est tout un sport. Je m'en mords les lèvres. Je croque ton cou dans mes rêves. Ça change rien du tout que je sois célèbre. Je t'aime autant que j'aime les ténèbres. Je te recale d'un regard froid et sévère. Tes yeux dans le noir veulent se venger. Je suis attiré par tous les dangers. Tu veux mon cœur à manger, venger. Mon cœur est dur à forger, forger. Tes yeux dans le noir veulent se venger. Je suis attiré par. Je t'aime comme avant mais en pire. J'en ai un aussi mais en pierre. Regarde finalement qui s'en tire. Si on reste ensemble je m'enterre. Je me réveille dans mon cercueil. Œil pour œil, je veux pas leur servir ce qu'ils veulent. Je meurs pour elles, ça voit la vie en purple. Tant mieux pour eux, je veux pas leur servir ce qu'ils veulent. Mais je pourrais. Je vais te dire ce qui se passe mais screen pas. Je vois encore nos ondes dans le square. Ton regard dans le noir mais non non s'il te plaît n'en cite pas. T'écouteras mes sons, hein, si tu veux entendre ma voix. On ne changera pas le monde, fais-toi une raison. Je lutte contre les aiguilles de ma montre. Je contrôle tes sensations. Tes yeux dans le noir veulent se venger, je suis attiré par. Je suis attiré par tous les dangers. Tu veux mon cœur à manger, venger. Mon cœur est dur à forger, forger. Je t'aime comme un vampire. Je t'aime comme un vampire. Je t'aime comme un vampire. Je t'aime comme un vampire. Jean Marigny, nous revenons sur cette histoire londonienne et ce cimetière de Highgate. C'est vraiment le lieu idéal pour ce genre d'histoire, non pas le cimetière, en tout cas pas seulement le cimetière, mais celui-là. C'est tout à fait vrai. Je pense que Highgate est un cimetière beaucoup plus sinistre que n'est le Père Lachaise, par exemple, à Paris. Parce que la plupart des tombes sont en fait des caveaux de famille qui sont très très anciens et qui donnent vraiment un côté très très spectral, très sinistre au lieu. Et comme vous avez dit tout à l'heure, il n'y a pas d'éclairage public, donc ça facilite encore le sentiment de peur qu'on peut avoir quand on traverse cet immense cimetière. Avec une végétation dense également. Oui, exactement. Donc pour se perdre, c'est idéal. Oui, quoi. Tout à fait. C'est une espèce de labyrinthe. De labyrinthe. Vous y êtes allé, bien sûr. J'imagine. Oui. Vous êtes allé voir pour ressentir un peu. Je me suis recueilli sur la tombe de Karl Marx. C'était bien. Écoutez, en quatrième de couverture, il est écrit sur le livre de Sean Manchester la phrase suivante: The Highgate Vampire is a masterpiece of vampirography. Donc ça veut dire qu'on est là vraiment dans une histoire vraiment emblématique de la vampirologie. Ah, tout à fait, oui. Est-ce qu'il y en a d'autres qui pourraient être... Alors, à part celles qui ont été importées des pays de l'Est, de Roumanie, il y a eu d'autres faits comme ça, troublants, sur lesquels vous avez travaillé, réfléchi, un peu partout où vous voulez. Moi, je crois que celui-là est exemplaire, dans la mesure où il a eu lieu dans une immense ville qui est la capitale d'un empire, une ville moderne, et non pas dans un village éloigné de Roumanie. Hein, et... avec l'autorisation de la police, puisque la police a autorisé Manchester à faire ses investigations dans le cimetière, et avec la présence des caméras de télévision, quoi. C'est, et une foule énorme. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire. Et je crois que ça, c'est un événement sans précédent. Et c'est d'ailleurs dans l'esprit du récit que nous avons fait. C'est-à-dire que on prend ça au sérieux quand même. Ça paraît pas sérieux et on prend au sérieux. Pourquoi la police londonienne a-t-elle pris cette chose autant au sérieux? Qu'est-ce qu'elle, à côté de quoi elle ne voulait pas passer? Parce que la police britannique a ceci de particulier, c'est qu'elle respecte toutes les croyances, y compris les plus farfelues. Et donc, vous savez que, par exemple, à Marble Arch, vous pouvez vous mettre sur une caisse à savon et dire n'importe quoi, et personne ne vous en empêchera. Donc, je pense que ça fait partie de cette liberté d'expression anglaise qui fait que la police est bienveillante à l'égard de toute manifestation. Alors, comment expliquer, par ailleurs, cet emballement populaire en 69? Une centaine de personnes écrivent au journal local pour faire part de leur témoignage. Alors, on l'a dit, la littérature et le cinéma. Oui. D'accord. Mais peut-être pas que ça, il y a une spécificité. Alors, on a dit aussi, effectivement, l'Angleterre, terre de légende, de cette catégorie-là, de légende. Oui, mais enfin, les gens qui habitent là, il y en a pas qui sont un peu plus rationnels. Alors, il faut dire que le cinéma anglais a fait énormément pour donner une nouvelle vie à cette croyance, enfin, à ce mythe, puisque la firme Hammer a racheté les droits de la firme américaine qui avait fait tous les films de l'entre-deux-guerres. Et avec Christopher Lee, il y a eu énormément de films très très populaires, et donc le public était vraiment appâté par ce... Mais au-delà, ça l'amusait. Ce public-là, il se dit, bah, tiens, au moins, il se passe quelque chose, qu'on s'ennuie pas. C'est-à-dire qu'avec les Britanniques, on sait jamais. Hein. C'est toujours à la fois sérieux, et puis il y a aussi un petit peu... par exemple, ce qui différencie le public britannique d'une autre, c'est qu'en France, on est très rationaliste, on est très... On ne sait pas rêver, on ne sait pas rêver. On prend tout à la gaudriole, quoi. On a tendance à prendre tout à la gaudriole. C'est pourquoi il y a beaucoup de films qui ont été tournés en France, où le vampire est complètement ridiculisé. Je pense à, par exemple, à Dracula, père et fils de Molinaro, où on s'amuse énormément. Quoi. Et en fait, au passage, on ridiculise ceux qui y croient ou tout qui ont fait. Envie d'y croire. Et c'est tout pas à bien fait, ça. Oui, oui. Bon, dites-moi alors, votre travail, là, Nouvelles histoires de femmes vampires. Il nous reste une minute, à peine 45 secondes. Quel est donc ce travail? Alors, je vais changer mon fusil d'épaule. Oui. Là, c'est un scoop que je vous donne. D'accord. Je vais cesser de m'intéresser aux vampires. Oui. Parce que... Vous allez vous intéresser aux femmes maintenant? Non, je vais m'intéresser aux enfants. Aux enfants. Bon. Je prépare un ouvrage sur les enfants dans la littérature, dans les littératures de l'imaginaire, c'est-à-dire le fantastique, la science-fiction, etc., où j'essaie de montrer que les enfants ne sont pas ces petits angelots auxquels on croit, et sont en fait peuvent être des personnages extrêmement dérangeants. Des petits démons, si j'ose dire. Exactement, exactement. D'ailleurs, le titre de mon ouvrage, apparaître au mois de janvier, c'est Les enfants d'imaginaire en jouent démons. Mais dis donc, vous l'aimez pas votre livre sur les femmes, parce que vous avez contourné la question. Qu'est-ce qui se passe? Si, ben les femmes sont très nombreuses dans les histoires de vampires. C'est vrai. Et l'image de la femme vampire. Depuis Carmilla jusqu'à Vampirella, l'héroïne de bande dessinée. Et qu'est-ce qu'elle a de plus que les vampires hommes? Elle fascine plus? Ah ben oui, bien sûr. Elle ne procède pas du tout de la même façon. Le vampire homme agit avec brutalité, alors que la femme agit avec séduction. Ah, nous dans la théorie des genres, version vampire. Merci infiniment, Jean-Marie. Merci pour tous ces éclairages sur des choses mystérieuses. C'est moi qui vous remercie. C'était Affaires Sensibles, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr, bien sûr, consacrée au mystère du vampire. Aujourd'hui, rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à cette émission. Merci à Loïc Frapsos qui était à la technique aujourd'hui.